premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Comme ami des pauvres pêcheurs de Galilée, qui le suivent jusqu'au pied de la croix. Soleil dans ce monde de ténèbres, les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui, Jésus donnant sa vie. Je l'ai pas compris. Je tourne la page et voilà.